Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire, celle de leur vie, celle de leur famille, une histoire collective aussi, notre histoire. Je suis une fille sans histoire, comme un empire dans un empire, c'est l'art de perdre, mais juste avant l'oubli, ce sont de sombres dimanches aussi, jusque dans nos bras, l'écrivaine Alice Zeniter est folle d'histoire. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous allons évidemment parler d'histoire avec vous, Alice Zeniter. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez avec ce texte, « Je suis une fille sans histoire ». Ben, merci d'être passée. Non, pourquoi ce titre « Je suis une fille sans histoire » ? Alors, ça fait référence à trois choses à la fois pour moi. La première, c'est que les existences des femmes, parce que ce sont des existences qui ont longtemps été cantonnées à la sphère domestique et à la chronologie de la répétition que sont les travaux domestiques, ont pas une forme qui se prête beaucoup à la narration classique. Donc ça, ce serait le point 1. Point 2, le fait que, en fait, quand j'écrivais L'art de perdre, je suis aussi arrivée dans le champ littéraire avec cette idée que j'avais hérité d'un silence et pas d'une histoire, là où d'autres héritent d'histoires familiales. Et puis le troisième, c'est, je trouve ça complètement fou que notre langue française se soit dotée d'une expression qui a priori est un compliment. Être une fille sans histoire, c'est une bonne chose. Voilà, elle, c'est une fille sans histoire, c'est super. Alors qu'en fait, ça me paraît être la chose la plus triste du monde, se présenter comme une coquille vide qui ne peut donner lieu à aucun récit. Et donc j'avais aussi envie de questionner un peu cette expression. Est-il possible d'être sans histoire d'ailleurs ? Je ne crois pas. C'est impossible parce que nous sommes tous porteurs d'une histoire et même dans cette histoire des femmes répétitives, Pénélope qui tisse au quotidien, mais il y a toute une histoire, il faut la chercher cette histoire, l'écrire, la construire et la raconter. Il y a cette réflexion aussi à Alice Zeniter sur comment se transmet l'histoire, comment s'écrit le récit historique. Oui, c'est une grande question. D'abord, qui le parle, qui le porte et... sur qui il va porter aussi ce récit historique, quelles sont les populations qui en sont exclues la plupart du temps, et puis qui le transmet à qui et sous quelle forme, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui paraît appartenir à une sphère extérieure. Dans L'art de perdre, je dis que Ali a cette impression qu'en fait l'histoire c'est quelque chose qui est réservé aux rois qui gagnent des batailles sur leurs éléphants et qui est pas du tout au pays sur la montagne kabyle. Et donc cette question-là aussi, elle est très importante. Est-ce que quand on parle de l'histoire avec un grand H, est-ce que c'est quelque chose qui nous paraît nous charrier nous-mêmes dans son cours, ou est-ce que c'est quelque chose qui a l'air de se dérouler dans la dimension parallèle, dans l'univers parallèle des puissants ? Ça, c'est une bonne question aussi. Oui, où sommes-nous dans toutes ces histoires ? Et puis, il y a cette réflexion sur ce que signifie raconter l'histoire et aussi ne pas raconter certains aspects dans « Je suis une fille sans histoire ». Vous évoquez cette fiction, la fiction qui tient pendant des siècles. On a longtemps cru que la Terre était plate, etc. Parce que ça, c'est très important aussi dans la narration de l'histoire, nous le savons bien, cette idée de vérité historique est quelque chose qui est une posture. L'histoire s'écrit, change, s'adapte sans cesse. Oui, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va toucher un peu à tous les récits scientifiques de façon plus large. C'est-à-dire, comme c'est des récits qui n'ont pas de narrateur ou de narratrice identifiée, c'est comme si l'autorité du savoir parlait de manière complètement désincarnée, et on va avoir beaucoup plus de mal à les questionner, beaucoup plus que des récits qui s'incarnent dans le corps d'un conteur, d'une conteuse, d'un passeur, d'une passeuse. L'histoire ou le récit de la terre plate qui a été porté par l'Église, ou le récit de la reproduction qu'on m'a appris à l'école, c'est ce que j'explique après dans Je suis une fille sans histoire. Donc ce récit de spermatozoïdes véloces qui viennent féconder un ovule qui est complètement impassible et inactif, etc. C'est des récits d'une autorité totale, flottante. Et comment je fais, moi, petite personne, si je veux les questionner? Comment on articule ce rapport avec ce savoir qui a l'air énorme et intouchable, et puis et puis les questionnements qu'on se pose à nos échelles individuelles. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire, eh ben, il doit y avoir des manières de transmettre ces savoirs qui les rendent beaucoup plus bricolables, si je peux me permettre ce néologisme, qui donnent envie d'aller nous aussi mettre nos mains dans les rouages et produire de nouvelles données, etc., etc. Vous, Alice Zeniter, qui vous a transmis l'histoire? Le mot a été prononcé, école, bien sûr, l'école, c'est important dans votre histoire, les cours d'histoire géo à l'école. Oui, moi je suis vraiment une enfant de l'école, au sens où je suis quelqu'un qui a aimé apprendre à l'école énormément. J'ai cette chance d'être fille de prof, donc en fait les codes de l'école m'étaient donnés. J'ai jamais été en but ou en lutte contre la manière dont il fallait se comporter pour avoir accès au savoir, etc. C'était quelque chose qui était tellement ancré et tellement désirable et agréable pour moi qu'avec mes sœurs on jouait à l'école quand on rentrait. L'idée d'avoir un tableau, des pupitres et puis d'apprendre des choses et d'être interrogé, c'était quelque chose qui était drôle, c'était quelque chose qui était ludique. Donc oui, l'école et la transmission de l'histoire à l'école, elle a été très forte et elle a matérialisé aussi quelque chose, c'est-à-dire l'histoire de l'école, c'est des frises chronologiques qui sont accrochées sur les murs avec parfois des dessins, des frises chronologiques qu'on nous demande de refaire pour des exposés. Donc en fait, c'est des années qui vont prendre une couleur et qu'elles gardent parfois. C'est-à-dire, je me représente certains siècles avec certaines couleurs et certains emplacements qui doivent venir des frises chronologiques de mon enfance, lesquelles étaient redoublées par les frises chronologiques qu'on pouvait trouver dans les magazines pour enfants que je lisais et que mes sœurs lisaient aussi. Et où là, il y avait carrément des petits personnages de bande dessinée pour aller avec. Alors, c'était super. Enfin, les rois fainéants, tout à coup, ça devenait des figures historiques aimables parce qu'elles étaient hyper drôles, beaucoup plus que d'autres qui étaient représentées de façon moins amusante. Et j'ai beaucoup aimé ça, ce passage comme ça. Et puis les livres aussi, évidemment. Je pense que toute ma culture égyptologique aujourd'hui encore, elle vient des bandes dessinées de papyrus. Donc elle est probablement pleine d'erreurs. Et plus tard, ça a été les rois maudits, par exemple, où je me dis que j'ai vraiment certaines périodes historiques me sont juste arrivées par le biais d'une œuvre, et je n'ai pas de croisement de sources, je n'ai pas. Et puis surtout, j'ai des souvenirs de personnages beaucoup plus que de figures historiques, mais d'un autre côté, ça me rend ces périodes familières. J'ai l'impression qu'elles font partie de ma vie. Ce que vous racontez là est essentiel. L'école pour donner ce cadre de réflexion, ces outils d'analyse et les grands repères, ces chronologies que vous évoquez, Alice Zeniter. Et puis après, eh bien, tout ce qu'il y a autour, la littérature, la bande dessinée, le cinéma, c'est ainsi qu'on se construit peu à peu toute une histoire, tout un monde historique. J'aime beaucoup aussi l'idée que les siècles ont des couleurs. Le 19e, il est quelle couleur? Il commence bleu et il tire un peu vers une sorte de gris plombé. Oui, d'accord, parce que il y a quelque chose de bleu avec peut-être une épopée napoléonienne et puis tout doucement le charbon arrive et puis il y a l'industrie et puis on arrive à la fin Exola. J'aimerais avoir des justifications intelligentes. Le gris plombé me paraît collé avec le Germinal de Zola. Le bleu du début, je sais pas du tout. J'aimerais bien que l'on fasse tous les siècles. On peut pas votre Moyen Âge, Alice Zeniter, il est de quelle couleur? Il est brun. Brun et rouge et ocre, c'est très ou terre de sienne. On est sur des couleurs très organiques et très chaudes. Et puis parmi toutes ces évocations de l'histoire, autre que la bande dessinée ou la littérature, il y a ce qui réunit peut-être un peu tout ça, le théâtre. Halte au désert rural, un cri de révolte devenu le leitmotiv des agriculteurs et qui pourrait bien être également celui de la troupe de théâtre de Moulin le Carbonel près d'Alençon. Depuis 6 ans, ils sont 19 bénévoles à se battre pour qu'une vie culturelle demeure en milieu rural. Leur spectacle de cette année, baptisé Robin des Bois, c'est une parodie historique, a déjà été joué 6 fois dans différentes communes du canton. Une première pour l'une de ces troupes 100% amateurs qui se font trop rares dans nos campagnes. Les soirs de fête au village, cela commence toujours par le long cortège des voitures des comédiens. Ils sont enseignants, lycéens ou agriculteurs, mais pour aujourd'hui, ils seront avant tout acteurs. Metteurs en scène, décorateurs, éclairagistes aussi, c'est cela le bénévolat. 19 serviteurs d'une culture populaire dans un monde rural qui pourrait être désert. Il reste un engouement pour le théâtre quand même dans les petits villages, qui fait quand même qu'on est bien reçu. Mais de là à attirer la grande foule, c'est pas forcé. Hein. En 1993, un extrait du journal télévisé de France 3 Basse-Normandie qui évoque une troupe de théâtre de Chanfleur qui vient se produire à Alençon. Alice Zénitaire, nous sommes chez vous. Tout à fait. Avec cet étonnement, en travaillant, en préparant l'émission avec Alexandre Manzanares qui réalise aujourd'hui le cours de l'histoire et Jean-Frédéric à la technique, de se rendre compte que Chanfleur et Alençon sont collés, mais Chanfleur est dans la Sarthe et Alençon est dans l'Orne. Chanfleur, c'est quoi évoluer dans un monde comme ça, réfléchir à l'histoire quand on est une petite fille? Vous êtes née en 1986 à Lisénitaire. C'est important, c'est omniprésent l'histoire, ou c'est quelque chose qui est en marche comme un décor essentiel? Alors, je crois que ça l'était pas du tout dans ma vie chanfloraine, au sens où j'ai grandi dans une maison qui était vraiment qui avait un jardin immense qui collait la forêt. Il n'y avait pas d'autres demeures humaines toutes proches, et donc j'ai beaucoup plus grandi avec l'impression d'un cycle des saisons qui se répétait sans cesse qu'avec une vision qu'avec la vision de la frise chronologique. C'était la vision des intérieurs, de quand on était dans les pièces, quand on était à l'école, quand on était mais dès que la vie en extérieur reprenait la main, alors là la vision du temps, elle était pas du tout la même, et elle donnait même plutôt l'impression d'un éternel recommencement et pas le fait que les siècles passent. Oui, et dans cet éternel recommencement, il y a ces traces venues du passé. Alors on pourrait citer tous les endroits que vous avez pu croiser dans votre vie, mais il y a toujours ces monuments anciens, ces traces du passé. Alice Zénitaire, quelles sont vos réactions face à, je ne sais pas moi, une église de village qui a l'air un peu vieille? C'est de l'émotion, c'est de la curiosité architecturale? De la curiosité beaucoup. Et une sorte de... ça va évidemment dépendre des monuments, mais c'est aussi une sorte de témoignage d'une vie de village qui assez souvent a disparu aujourd'hui. Je pense notamment en fait dans les villages à côté de chez moi en Bretagne, certaines églises sont absolument énormes, et donc je me dis ce village a été probablement beaucoup plus gros, beaucoup plus vivant. Les dimanches de messe, ça devait être quelque chose de complètement fou, en fait. Si cette église a jamais été remplie, alors on parle de gens qui devaient venir de toute la campagne alentour pour venir ici, ou parfois dans des endroits qui sont vraiment très reculés et presque abandonnés, des églises qui sont sculptées avec une attention complètement folle. Et la question de pourquoi, en fait, qui est le commanditaire de cette œuvre, qu'ont fait les sculpteurs pendant le temps infini que demande la sculpture de ce portail, de ce tympan, etc., qui va être un peu perdu, quoi, clairement, loin de tout grand axe qui relie les grandes villes. Donc oui, c'est cette vie perdue. Est-ce qu'a représenté à un moment donné le village dans les existences de toutes celles et ceux qui sont morts au moment où moi je me tiens devant l'église, qui me questionne. Après la Normandie, à Alençon, effectivement, dans votre existence, il y a la Bretagne. Et quand je vous écoute, Alice Zénitaire, ce que j'entends, c'est quelque chose de très incarné. Il y a des constructeurs, il y a des commanditaires, il y a des gens, il y a des fidèles, il y a de la vie. C'est ça aussi qui vous intéresse. Mais dans votre œuvre aussi, c'est peut-être aussi ce qui explique ce choix du roman. C'est d'y mettre de l'incarnation, d'y mettre de la vie. Mais l'histoire ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas la vie dedans. Ce sont toujours des hommes, des femmes dont nous racontons l'histoire. Oui, je crois que c'est aussi une... même pas forcément une démarche volontaire chez moi, c'est-à-dire que c'est la manière dont je m'empare des données, hein, dont ma pensée fonctionne, et ça va être Et ça va être un développement de l'imaginaire autour de vies qui se sont déployées. Donc voilà, dans le monument que je regarde ou à l'époque à laquelle je pense. Et la première chose qui me vient à l'esprit, ça va être justement d'imaginer la quotidienneté de ces vies. Et donc de penser aux vies minuscules et pas forcément aux vies des puissants et des puissantes qui figuraient sur ma frise chronologique. J'ai l'impression que pour connaître quelque chose, mon premier mouvement, c'est de me représenter celles et ceux qui auraient été là un peu tous les jours, qui se seraient tenus devant cette porte, qui auraient goûté cette nourriture, qui auraient... J'ai beaucoup ça avec les endroits abandonnés en fait qui figurent un peu dans Juste avant l'oubli. Ça c'était quelque chose quand je voyageais dans les îles écossaises, en fait le fait qu'il existe des villages qui aient été abandonnés, parce que finalement quand les axes routiers se sont développés, ils se sont développés de l'autre côté, et donc petit à petit, parce qu'ils n'étaient plus desservis, cet endroit a été abandonné. Quand je me tiens entre ces quatre murs en pierre qui sont en train de s'écrouler, qui sont les dernières choses qui restent des maisons, et il y a ce sentiment très très palpable de me dire ok, des gens ont vécu là et des gens ont eu cette vue tous les matins au réveil, et des gens ont marché sur ce sol marécageux et se sont réjouis des taches de couleur de la bruyère un petit peu plus haut, et ça me et tout est parti. Et plus personne aujourd'hui n'a ces souvenirs-là. Mais on peut les imaginer, et c'est une expérience qui me bouleverse chaque fois, je sais pas pourquoi. Et puis il y a cette émotion, c'est vrai, toujours quand on évoque le passé et les gens du passé, juste avant l'oubli, ce mot oubli est important. L'histoire est une chose qui raconte des événements du passé, qui essaie de comprendre le passé, mais l'histoire charrie ces oublis. Ce sont ces oublis et ces oubliés qui vous intéressent. Oui, avec la question qui est à la fois dans Juste avant l'oubli et dans L'art de perdre, qui est cette question qui est très étrange sur le fait de veiller les morts. C'est-à-dire que ceux qui ont porté la mémoire d'un endroit, quelqu'un doit aussi en porter la mémoire. Et dans Juste avant l'oubli, c'est Jock, le gardien de l'île, qui veut pas partir et laisser les tombes. Et puis dans L'art de perdre, c'est ceux qu'on a ensuite appelé les pieds noirs, qui ont ce problème en 62 de dire je veux pas partir sans mes morts, je peux pas partir sans mes tombes, c'est pas possible de les laisser derrière, avec cette idée que finalement cet objet, enfin, qui est une pierre en marbre, en granit, pourrait d'une certaine manière être un disque dur de la mémoire, alors que c'est purement symbolique. Dans les vecteurs de l'histoire, il y a l'école, il y a la littérature, nous l'avons dit, le théâtre, pourquoi pas, et bien sûr, il y a les proches, il y a la famille. Est-ce que l'on vous parlait beaucoup d'histoire, Alizée Nitter, l'histoire de votre famille, d'où vous venez? Non, l'histoire de ma famille, c'est pas quelque chose dont on parlait beaucoup, surtout du côté paternel, donc du côté algérien, c'était quelque chose qui était très secret, qui était tu, c'était difficile d'obtenir des réponses à des questions. Du côté maternel, c'était un peu différent parce que mes grands-parents avaient connu la Seconde Guerre mondiale en Normandie et avaient à cœur, notamment mon grand-père, que ce soit une histoire qu'on connaisse. En fait, ses deux grands frères avaient été résistants et avaient été massacrés par les Allemands. C'est la mention que porte leur tombe. Donc c'est pas une mention anodine. On dit pas tué, on dit pas fusillé. Il y a marqué sur leur tombe sauvagement massacrés par les Allemands. Donc c'est aussi quelque chose qui demande à être transmis dans sa pleine violence. Et mon grand-père voulait vraiment voilà qu'on connaisse cette histoire. Il a organisé plusieurs fois des sorties en famille au mémorial de Caen pour que on puisse voilà tous ensemble avoir accès à l'histoire de cette guerre. Et à côté de la dimension plus officielle que portait le mémorial, il y avait une succession d'anecdotes qui avaient trait à cette période. Et c'était assez étrange parce qu'elle était marquée, en fait, chaque anecdote était marquée par l'émotion de cette période et donc était racontée avec beaucoup de difficulté à respirer, des larmes qui venaient, etc. Alors que parfois, c'était vraiment des anecdotes minuscules qui portaient sur une bouteille de calva, le partage d'un saucisson, une bicyclette cachée dans les fossés. Et c'était assez compliqué pour moi, je pense, et mes sœurs plus jeunes, de comprendre ce qui se jouait maintenant et comment est-ce qu'on était censé réagir à cette anecdote qui nous arrivait si chargée d'émotions, alors que dans les faits narratifs, c'était... Ça ressemblait à une petite blague. Enfin, ça aurait pu être une scène d'un petit film pour enfants en noir et blanc et en accéléré. C'est étonnant, cette double transmission d'histoire du côté maternel, avec cette histoire lourde, chargée, la Seconde Guerre mondiale en Normandie, et puis cette autre histoire paternelle qui vous relie à l'Algérie et qui, elle, est tue. Il y a ce double mouvement très différent, mais qui est pourtant extrêmement présent dans une existence. Le silence aussi construit. Oui, c'est-à-dire que j'ai cru pendant longtemps que, bah, tout simplement, puisqu'on n'en parlait pas, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'histoire ici. Et j'ai fini par réaliser que d'abord, les quelques éléments qu'on m'avait transmis suffisaient pour que moi, j'ai inventé quelque chose. Donc en fait, c'est comme si c'était pas possible qu'il n'existe rien. J'avais rêvé. Quelque chose qui devait être une forme d'histoire familiale. Et ça, c'est Giulia Fabiano qui raconte ça très bien, je trouve, dans sa thèse sur les harkis du Mastiber, où elle dit quelles que soient les données en fait dont ils disposent, la génération d'après va avoir tendance à jouer les démiurges de l'histoire familiale, et donc réécrire comme ça à partir de rien des épopées qui sont parfois pleines de trous, mais il y a quand même une construction de l'histoire familiale. Il y a jamais rien, même si on dit je sais pas, si on pose la question de oui mais tu penses qu'il s'est passé quoi, pourquoi tes parents sont arrivés d'Algérie, et ben il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort, et avec toujours ces moments intenses, ben la guerre et puis le déchirement, mais l'histoire elle-même s'écrit sur un temps très long, avec toujours cette question: mais d'où je viens? La terre est la seule richesse, la seule source de vie, la seule abondance. Pauvre abondance. Champ de Kabylie à flanc de coteau, cultivé à force de peine. Champ maigre qui laisse pousser de maigres moissons de seigle ou d'orge, d'où pendant des siècles le peuple kabyle a tiré son pain. Mais sur ses pentes, l'olivier abonde. L'apport français a développé dans le cadre familial cette culture qui donne à la Kabylie une part de son décor et une part de sa nourriture. À la saison des récoltes, on peut voir sur toutes les pentes ces groupes joyeux occupés à la cueillette, à laquelle tout le monde prend part. Archives de propagande coloniale, bien sûr, dans les actualités françaises en 1947, qui évoquent la Kabylie. Alice Zénitaire, il y a bien sûr ce moment intense de la guerre d'Algérie, mais il y a le avant. Que savez-vous de votre famille avant? Y a-t-il une transmission? Qui étaient vos ancêtres? D'où viennent-ils? Vous pouvez répondre à des questions comme ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Et justement, je pense que cette question, elle est tout à fait en lien avec l'archive que vous venez de passer, parce que dans ma famille, ce qui tient lieu d'archive familiale n'a jamais été tenu par la famille. C'est-à-dire que si je veux me renseigner sur ce qu'était la vie de mes grands-parents, de mon père avant la guerre, je vais devoir passer par des archives en fait qui sont tenues par les Français. Je vais avoir accès à ce type de vidéos qui ont été tournées avant la guerre. Je vais et c'est ce que j'ai fait pour écrire L'Art de perdre. Je vais en fait, si je remonte encore plus loin, avoir accès aux ouvrages qui ont été écrits par les géographes, par les botanistes, par les juristes, par les militaires qui sont montés sur les monts de Kabylie et qui ont documenté cette arrivée là-bas à la fin du 19e siècle. Je vais avoir accès dans les villes où il y avait des Européens d'Algérie à leurs archives à eux, leurs photos, leurs journaux, mais rien qui vienne de ma famille, à part des moments qui sont là aussi en fait pris dans le temps de l'Algérie française, à savoir mon grand-père en uniforme militaire. Ça, oui, en fait, mon grand-père dans l'armée française, j'ai des photos. Et puis avec l'arrivée en 62, en fait, commence des archives plus normales, c'est-à-dire on commence à avoir des bulletins scolaires, des photos de classe, etc. Mais la première image de mon père enfant que moi je connaisse, elle est dans un petit reportage télévisé de propagande, comme celui que vous venez de passer, sur l'accueil des harkis dans les camps de transit dans le sud, et sur les cours de civilisation en fait qui sont donnés à ces familles. Et quand on passe aux enfants qui apprennent les chants de Provence, tout à coup il y a mon père. Donc la première image de mon père que j'ai, c'est la puissance française qui se pense en esprit des Lumières, civilisant les petits sauvages, qui me la donne. Ce qui est très très étrange, c'est-à-dire que nulle part je n'ai d'archives de ma famille ou du territoire habité par ma famille au sens plus large qui ne soit pas marqué du sceau du racisme, du paternalisme, etc., etc. Comment savez-vous que c'était votre père sur une archive? C'est vrai que quand c'est un enfant, dans ces archives hein, des années 60 en l'occurrence, il n'y a pas toujours le nom de ceux qui interviennent. Non, il n'y a pas le nom, c'est juste ça se voit que c'est mon père. Il a quelques signes caractéristiques sur le visage et c'est une évidence que c'est mon père. D'où le choc justement que c'est, parce que d'une certaine manière, je crois que ça aurait été plus simple avec un nom. Alors que là, c'est le bouleversement de la rencontre avec un visage qui surgit à travers 50 ans et à travers qu'est-ce que c'est l'équivalent visuel du silence qui surgit à travers ce silence des archives pour venir me faire face. Et je crois que tout le monde dans la famille qui est tombé sur ce reportage, donc qui est ce petit extrait d'archive, il a été utilisé dans le documentaire Musulman de France de Karim Misquet. Et quand ce documentaire a été télévisé, tous ceux qui, dans ma famille, ont fait cette rencontre du visage de mon père enfant, ont vraiment vécu un choc. Oui, parce que c'est le choc de l'archive en soi, lié à quelque chose d'extrêmement intime, à l'isénitaire. Les archives que vous avez été voir, de tout type, hein, nous l'entendons, de l'audiovisuel, vous nous avez parlé de photos, des documents, bien sûr, vous aurez permis d'écrire un ouvrage historique sur votre famille. Ça aurait été tout à fait possible en réunissant les documents et en faisant un travail d'historienne. Pourquoi ce choix du roman? Alors d'abord, parce que je suis pas historienne. C'est la meilleure réponse que vous pouviez faire. Et en deux, dans cette continuation d'une logique très basique, parce que je suis écrivaine. Ça a été quelque chose qui s'est affirmé assez tôt dans mon parcours de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment où je me suis demandé si j'allais descendre dans le sud, essayer de consulter les archives militaires du dossier de mon grand-père. Et quand j'ai réalisé que le dossier de mon grand-père, nommément, individuellement, m'intéressait pas tant que ça, et que ce que je voulais comprendre, c'était plus largement ce qu'avait été une vie ou des vies avant cette guerre, sur cette partie-là de la montagne, et puis pendant la guerre, et puis en arrivant ensuite en France, dans ce pays exotique et froid, je me suis dit, ah donc en fait c'est une fiction que je veux faire. J'ai pas des questions précises sur qu'est-ce que cet homme qui était mon grand-père a fait à telle date, je veux juste sentir la matière de ce qu'a été une vie, et ça n'est pas obligé hein, que cette vie soit exactement celle de Ali Zeniter. Une vie, une existence, des vies, des existences, c'est des existences familiales qui sont souvent empreintes de nostalgie. À cette époque-ci, au début de mai, Moscou est déjà tout en fleurs, chaude, inondée de soleil. 11 ans ont passé depuis que nous l'avons quitté, mais je me souviens de tout comme si ça datait d'hier. Oh mon Dieu! Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu un flot de lumière. J'ai vu le printemps et mon cœur a tressailli de joie. Et le désir m'a prise de retourner dans notre ville natale. Esconden su vientre, tiemblan y quisieran retirar. Yo volvería para escupir en la tumba de Franco. Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Tu ne sais plus qui tu es. Tu n'es déjà plus un Algérien. Tu ne seras jamais un Français. Yarbi. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Alexandre Manzanares a, dans le cours de l'histoire, mêlé les trois sœurs de Tchekhov, Josep, le film d'Aurel hein, sur la guerre d'Espagne, l'ennemi intime aussi, ce film sur la guerre d'Algérie, et bien sûr, Barbara, dit quand reviendras-tu, Alice Zeniter. Beaucoup de nostalgie aussi, souvent, quand il est question de la mémoire des oubliés, car ils sont oubliés eux-mêmes, et que leur mémoire est oublié, volontairement oublié et parfois effacé. Est-ce que dans votre démarche, il y a aussi cela, mettre en avant ceux que l'on a oubliés, essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas une démarche d'historienne en soi, vous êtes romancière, mais une petite part à la nostalgie, à l'émotion au moins. Je crois qu'il y a cette volonté de raconter comment les mémoires qui sont portés par certains et certaines oubliées, en fait, vont avoir tendance à sortir du cadre un peu officiel, national ou géopolitique qu'on attache à certains événements et prendre des formes beaucoup plus petites, parfois absurdes. Et je pense notamment donc dans L'Art de perdre, finalement, quand Yema se met à parler de l'Algérie, elle parle des bijoux qu'elle a dû laisser derrière ou d'une robe particulièrement belle que maintenant ses belles-sœurs qu'elle déteste doivent porter. Et c'est ça, en fait, qui lui fait mal. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a eu une guerre d'indépendance, il y a eu des propriétés abandonnées, une fuite au péril de sa vie. Et de quoi elle parle tout à coup? Bah, d'une, d'un bijou particulièrement travaillé et puis de sa détestation des femmes qui l'ont fait souffrir dans sa jeunesse. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est que se mêle très souvent dans la mémoire des pays perdus et des territoires perdus, la mémoire d'un temps qui lui aussi l'est, d'une époque de sa vie qu'on ne pourra jamais retrouver. Et c'est très difficile de faire la part des choses, en fait, de savoir est-ce que tu regrettes l'Algérie ou est-ce que tu regrettes l'enfance ? Est-ce que tu regrettes cette insouciance qui après n'arrivera plus jamais ? Est-ce que tu regrettes l'Espagne républicaine ou ce temps où tu avais 20 ans et tu pouvais porter un fusil, croire à la révolution et tomber amoureux d'une fille aux lèvres rouges au détour d'une rue de Barcelone ? Et tout se mêle en fait. Et j'aime beaucoup en fait ces sortes de cristallisation et de scories minuscules que fait la mémoire autour de points très très matériels et dont on ne pourra plus jamais la déloger. Comme un empire dans un empire. C'est votre roman qui évoque la guerre d'Espagne, L'art de perdre. C'est un livre qui évoque la guerre d'Algérie, avec toujours cette recherche de la petite chose, du sensible. Alice Zeniter, dans votre travail, il y a cette question d'identité, bien sûr, parce que chaque personnage, et ce phénomène de génération d'ailleurs apparaît dans vos ouvrages, hein, chaque personnage est porteur de son histoire, de sa propre identité, une autre identité, mais qui semble fuir entre les doigts, vous l'avez très bien dit. Comment connaître là d'où on vient, sachant que bien on n'y a jamais été. Il y a une très belle phrase dans L'art de perdre, hein, personne ne t'a transmis l'Algérie. Qu'est-ce que tu croyais qu'un pays, ça passe dans le sang. On aimerait tant, mais on n'y arrive pas. D'où la nécessité de l'histoire ici, peut-être aussi, pour assurer le besoin d'histoire. Oui, en fait, l'idée, je pense, autour du travail de l'identité dans mes livres, c'est de la poser comme n'étant jamais un état, un statut, quelque chose d'immuable, quelque chose de biologiquement transmissible et auquel on ne pourrait pas échapper en vertu d'un code génétique, mais l'identité comme relation et du coup comme chose mouvante et qui se construit aussi par rapport à ce qui est transmis. Et ce qu'on observe évidemment, c'est que par exemple au sein d'une même communauté mémorielle, quand il est acquis qu'on n'a pas besoin d'expliquer, de parler de ce qui s'est passé, etc., les rapports qui sont créés entre les gens sont pas du tout les mêmes que si on a une rencontre hors de cette communauté mémorielle. Et ce que je dis dans L'art de perdre à propos de ça, c'est que même après les démantèlements des camps où certaines familles dites harkis ont passé 20, 30, voire 40 ans, la communauté, elle reste entre elles parce qu'au moins on n'a pas expliqué ce que c'était. On n'a pas expliqué ce que c'était d'arriver en 62, de vivre dans ces baraquements, d'être pensé comme un traître, d'avoir perdu un pays, d'avoir peur d'y revenir, d'avoir une peur de l'Algérie tout à coup qui est immense. On peut regarder son voisin et se dire tu sais, je sais, y a pas de base à donner. Mais pour les autres, pour ceux qui sont hors de cette communauté, alors là il y a évidemment, j'imagine cet espoir que les historiens et les historiennes aient suffisamment fait le travail et que ça ait été suffisamment accessible pour que quelques bases soient données et qu'on reparte pas de zéro, qu'on n'ait pas à se donner pour la première fois un nom devant quelqu'un qui pourrait nous être hostile. Se dire voilà, il y a la construction de cette connaissance commune, de ce socle commun qui va permettre une relation, et cette relation, c'est les formes de notre identité mouvante. Pour les harkis, être considéré comme traître pour les Algériens, et pas tous les Algériens, et ne pas être considéré comme français par une partie des Français, c'est aussi ça. Mais pour l'histoire, il n'est pas question de repentance. En fait, il est question juste d'un travail scientifique. L'histoire, c'est une science, mais une science nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé, qui est la base de toute construction de l'avenir. C'est le cas aussi des harkis. Vous avez vu, Alice Zeniter, cette évolution du regard porté, simplement, ne serait-ce que s'interroger sur qu'est-ce qu'un harki et quelle est leur histoire. Ouais. Et en fait, c'est compliqué parce que justement, au-delà du travail historique, scientifique, il y a une bataille politique autour de ces questions. Et cette bataille politique, elle se part des atours de l'autorité de la science. Et moi, pendant un temps, j'ai été perdue parce que je me suis retrouvée entre des textes qui, en fait, étaient des textes extrêmement polémiques qui se jouaient des batailles de chiffres. On dit, alors, combien il y a eu de morts, combien il y a eu de déportés, combien il y a eu de torturés, et puis tel chiffre et tel chiffre, complètement différent, et puis un tel ment, et puis... et ça a été un immense soulagement pour moi quand je suis enfin tombée sur un des ouvrages de Sylvie Thénault où elle expliquait quels étaient les modes de calcul de ces chiffres qu'on s'envoyait à la tête. Et où elle dit, voilà, les gens qui arrivent à la barre haute partent du principe qu'on prend ça comme base et puis on le multiplie par le nombre de départements. Les gens qui... Et tout à coup, de me dire, OK... Donc en fait, ces chiffres sont des déductions établies par une méthode de calcul qu'on a choisie dans un premier temps selon le présupposé qu'elle est meilleure qu'une autre. Et donc c'est pas deux sortes de vérités contradictoires, mutuellement exclusives, qui me demandent de me positionner et moi je ne sais pas. Et moi je ne sais pas laquelle est la bonne. C'est-à-dire il y aurait une version fausse et une version vraie et on me dirait tu dois trouver la bonne, mais si tu soulèves le mauvais chapeau et que en fait dessous c'est vide, tu perds la partie, tu es foutu. On dit non, c'est une élaboration puisque toutes les données n'arrivent pas ensemble, il faut réussir à construire un modèle à partir du peu de données qu'on a pour reconstruire quelque chose de plus vaste. Et donc en revenir à la base de ce qu'est un certain travail de chercheur, et ça, il a fallu qu'une chercheuse me l'explique et me rassure sur ça. Sylvie Thénault, historienne, historienne et toutes ses collègues historiennes, ses collègues historiens travaillent, aident et dans le même temps, il y a toujours, depuis que nous parlons à l'Isénitaire, il y a ces doubles transmissions du passé par le travail des historiens, l'analyse et puis par aussi la famille. Une lettre à sa fille, Paridir. Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent? Si pour un temps on oubliait ces convenances qui nous pèsent? Si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux? Si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux? Je veux que tu cries et que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses s'épanouir tous ces plaisirs qui t'inondent. Je veux que tu sortes, je veux que tu ris, je veux que tu parles d'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans. Au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Le chanteur, poète Idir, qui écrit une lettre à sa fille, car dans la transmission à l'Isénitaire, il y a aussi les changements avec le temps qui passe. Nous ne sommes pas exactement les mêmes individus à un moment donné de notre existence. Et puis en vieillissant, nous nous rendons compte d'autres choses. Dans votre histoire familiale, vous nous avez dit que beaucoup de choses n'ont pas été dites, mais l'actualité met sur le tapis comme ça des sujets et puis les gens changent, je le disais. Est-ce que la parole se libère peu à peu? Est-ce qu'il y a de plus en plus de mots qui apparaissent? En fait, une des choses que j'ai observées aussi par rapport à cette histoire familiale, c'est que c'est plus facile de l'aborder de manière un petit peu détournée, en jouant par la bande, comme on dirait au billard. Et finalement, c'était plus facile d'en parler en parlant de l'art de perdre que d'en parler comme ça, comme un saut dans le vide. Dire qu'est-ce qui s'est passé en Algérie au début des années 60 pour que vous partiez, c'est une question qui n'a pas de réponse. Dire en fait je suis en train de travailler du coup sur un chapitre dans mon livre et je m'aperçois que c'était quand même extrêmement compliqué en fait pour ceux qui n'étaient pas sous les ordres d'un militaire français ayant décidé de désobéir aux directives nationales de réussir à quitter le pays pour aller en France et donc je me pose plein de questions sur comment ça a été possible pour la famille, etc. J'ai retrouvé des lettres qui racontent que pour certains c'était comme ça et tout à coup là il y a des souvenirs qui commencent à remonter dans une sorte d'accompagnement de ma démarche d'écriture, beaucoup plus que dans une sommation de répondre à une question sur voilà, c'est quoi l'histoire de la famille. Donc beaucoup, oui, beaucoup de choses se sont libérées, finalement sont devenues beaucoup plus faciles à dire, mais de la même manière que quand je suis allée pour la première fois dans le village familial et que je suis revenue avec des photos et que j'ai montré ces photos à ma grand-mère, elle m'a parlé du village d'une manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus longue que tout ce qu'elle m'avait dit jusqu'ici, parce qu'en fait, à partir d'une photo, elle peut dire non, ça c'était pas là quand on y était. Il y avait une autre maison plus vieille, beaucoup moins solide. Elle a dû s'effondrer. Cette maison-là, par contre, elle était là. Ce mur était pas là. Là, on avait les animaux, etc. Et le fait, oui, d'apporter quelque chose qui va remettre en branle la mémoire et qui va permettre au discours de s'appuyer sur une base, de pas se lancer à partir de rien, de pas tout convoquer de la vie passée à partir de rien, dans la cuisine d'un appartement d'un autre pays à 1000 miles de la terre de l'enfance. Oui, c'est une très longue histoire en fait qui fait que l'on est vecteur de tout ce que nous a dit notre famille, de ce que nous lisons dans les ouvrages des historiens, des historiennes, et puis de tout ce que nous avons en tête. Et je suis sensible à l'isénitaire hein, quand vous évoquez le fait que l'histoire est quelque chose qui se construit sans arrêt et que nous apprenons toujours. Nous avons commencé l'émission avec le titre de ce livre que vous publiez chez L'Arche, « Je suis une fille sans histoire ». Donc nous avons bien compris le sens de ce titre. Et puis, on a évoqué le fait que pendant longtemps, alors, la question de la terre est plate. Voilà, on l'évoque. Alors c'est vrai que l'Église elle-même se questionnait sur est-ce la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre. Très bien. Et puis les historiens, et en l'occurrence ce sont des historiennes, Violaine Giacomo Chara et Sylvie Noni, viennent de publier un livre, La Terre plate, généalogie d'une idée fausse. Dire que l'on pensait par le passé que la Terre est plate, en soi, est un signe que nous sommes porteurs de clichés, pour le dire autrement, que les historiens, les historiennes démontent. Et c'est en ça que cette histoire est passionnante. Ça fait quoi à ce que vous dites? En fait, la narration de l'histoire est quelque chose qui nécessite une réflexion constante. Méfions-nous toujours de tout. Et je crois qu'on a cette réflexion aussi de, enfin, c'est même pas une réflexion, cette démarche de curiosité dont on a parlé plus tôt aussi, et cette façon d'imaginer quelles ont été les vies minuscules autour de certains détails, ça fait que il y a une curiosité de la généalogie. Donc là, par exemple, une généalogie d'une idée, c'est quelque chose de complètement passionnant. Mais je ne sais pas si ça vous arrive, vous aussi, avec vos amis, etc. Tout à coup, vous posez la question de qui est la première personne qui a pensé à faire ce geste qui tout à coup nous revient à son côté absurde, difficile, pas du tout évident, et de se repenser comme ça dans une histoire de l'humanité ou de la civilisation. Enfin, moi j'ai ça à chaque fois que je descends sur une plage en Bretagne et que je vois les huîtres sauvages sur les rochers, et je me dis qui est le premier homme ou la première femme qui a pensé à ouvrir cette chose avec une lame pour en manger l'intérieur, alors que ça ressemble à un caillou, que ça émet des bruits de succion et de marée qui ne crient pas a priori comestible. Et voilà, tous ces gestes qui deviennent complètement normalisés dans une vie quotidienne, de se reposer à un moment la question de par quel processus ils sont arrivés dans la vie d'un village, d'un pays ou de l'espèce humaine. Je crois qu'on a cette curiosité de l'historien ou de l'historienne amateur, elle est très partagée. Oui, c'est très partagé, d'où le succès de l'histoire, mais légitime tant nous en avons besoin, et cette histoire qui est véhiculée, et bien notamment par la littérature, grâce à vous, à l'isénitaire, entre autres, comme Un empire dans un empire, L'art de perdre, ou encore Je suis une fille sans histoire, qui donne envie de vous lire et de lire de l'histoire. Merci vivement à vous. Merci. Merci beaucoup. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous l'écrivain kabyle algérien Mouloud Feraoun, assassiné par l'OAS? Le 15 mars 1962, il y a tout juste 60 ans, alors que 18 dirigeants de centres sociaux s'étaient retrouvés au centre de Château Royal, dans la banlieue d'Alger, un commando de l'OAS assassina froidement 6 d'entre eux. Parmi les victimes figuraient 3 Français de métropole, Maxime Marchand, Marcel Basset et Robert Aymar, et 3 Français musulmans, comme on disait alors, Salah Ould Aoudia, Ali Amouten et l'écrivain Mouloud Feraoun. Leurs obsèques eurent lieu dans la matinée du dimanche 18 mars. Le soir même, le général de Gaulle annonça l'arrêt des combats, mettant fin à la guerre d'Algérie. Né le 8 mars 1913 dans un village de Kabylie, Mouloud Feraoun était l'un des 8 enfants nés d'un couple de paysans pauvres. Comme beaucoup de Kabyles, dès les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, son père avait pris l'habitude d'émigrer périodiquement en France métropolitaine pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'âge de 15 ans, Mouloud obtint une bourse pour l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou et 4 ans plus tard, il fut reçu au concours d'entrée de l'école normale de Bouzaréa, près d'Alger. Il exerça ensuite le métier d'instituteur avant de devenir inspecteur des centres sociaux éducatifs qui avaient été fondés en 1955 par l'anthropologue et historienne du CNRS Germaine Tillon, l'une des héroïnes de la résistance contre le nazisme. Destiné à lutter contre le déficit de scolarisation des enfants d'origine indigène, comme on disait à cette époque, l'objectif de ces centres était de fournir un enseignement de base en arabe et en français, ainsi qu'une formation professionnelle. Il prenait également en charge des problèmes sanitaires et sociaux. Parallèlement à ses activités éducatives et sociales, Mouloud Feraoun s'était lancé, depuis la fin des années 30, dans l'écriture d'un roman à caractère autobiographique. Publié en 1950, d'abord à compte d'auteur, Le fils du pauvre raconte le périple d'un jeune Kabyle ayant quitté son village pour aller travailler dans les mines du nord de la France et la méfiance que suscite son retour au sein de sa communauté. Récompensé par le prix littéraire de la ville d'Alger, Mouloud Feraoun poursuivit son œuvre en publiant « La terre et le sang », un roman qui fut couronné par le prix populiste en 1953. 4 ans plus tard, il acheva la trilogie inspirée de sa propre trajectoire avec le roman intitulé « Les chemins qui montent ». Parmi ses nombreux autres écrits, il faut surtout mentionner son journal, rédigé de 1955 à 1962. Publié de manière posthume, c'est un témoignage inestimable sur les débuts de la guerre d'Algérie. Rappeler le crime odieux qui coûta la vie à Mouloud Feraoun et à ses collègues est aussi une manière de rendre hommage à une génération d'intellectuels qui a combattu jusqu'au sacrifice pour parvenir à réaliser, au sein du système colonial, la synthèse entre le monde des dominants et celui des dominés. 6 ans avant sa mort, Mouloud Feraoun avait déjà jugé ses assassins en disant « J'ai horreur de ceux qui tuent, non parce qu'ils peuvent me tuer, mais parce qu'ils ont le courage de tuer. » Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudet, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.